Shimout et son bandeau brodé, Lutra et ses costumes moisis, Jet Raoulé et son bâton en bois, L'amour et son arc électrique. Les capitomanes nous protègent du mal, ils se prennent des mandales, la tête aux amygdales. Les capitomanes vont pour l'éternité imposer la justice, l'amour et l'amitié. Ah papa, il est trop beau le solo. Aïe aïe aïe, avec ça on a minimum le disque de diamant. Et le gros, il est passé où? Ah, il est mort. C'est triste.